Bonsoir et bienvenue chers auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la soirée dont voici les principaux titres. Le parti CNDD-FDD promet une compétition pour le rendez-vous électoral de 2020. C'était dans le discours du numéro 1 de ce parti lors de la clôture de la pierre de Bagumyabanga. Vous allez l'entendre dans son journal. 98 personnes ont été arrêtées le matin de ce samedi dans les enceintes de l'université du Burundi, campus Mutanga. C'était lors d'une fouille et perquisition opérée par la police ce matin. Le reportage du jour nous mène dans la commune de Michi en provenance de Chahuzo où les cultivateurs du sorgho blanc ainsi que l'administration trouvent satisfaction dans la culture de cette plante. La mise en onde est assurée par Emeto Semitebouti. Charles Makoto, je suis à la présentation. Bienvenue encore une fois. Je vous le disais dans les titres, le secrétaire général du parti CNDD-FDD appelle tous les Burundais à la cohésion sociale. Dans son discours de clôture de la prière d'action de grâce que le parti CNDD-FDD a offert à Dieu depuis son mercredi, Evariste Ndayishimiye a indiqué que les Bagumyabanga n'ont plus une dent contre les anciens détracteurs. Que l'ère de la réconciliation a sonné, on l'écoute. Twarategereye icyo Imana idushaka ko ni ugusubira gusanasana. Nous avons compris ce que Dieu veut de nous, c'est de reconstruire nos familles, notre pays, le Burundi, à nous réconcilier à tous. Mettons nos cœurs ensemble et sachons que nous sommes un, que nous partageons ce pays sans exception. Notre discours est désormais la joie parmi les frères et sœurs. C'est dans cette lignée que nous, à Bagumyabanga, disons officiellement qu'aucun Burundais n'est notre ennemi. Nous vous disons que dès aujourd'hui, nous aimons tous ceux qui avaient une certaine méfiance envers nous. Aujourd'hui, c'est l'heure de changer. Qu'ils aient confiance en nous et nous en eux. Dès aujourd'hui, nous sommes engagés à travailler de concert et bâtir notre pays. Nous nous engageons à œuvrer pour l'unité et sécurité dans les familles, religions, partis politiques, bref, dans tout ce que nous faisons. Dans son discours, le secrétaire général du parti présidentiel a promis que son parti accepte la compétition dans les élections de 2020. Evariste Ndayishimiye souhaite que celui qui gagnera ces élections puisse diriger le pays pour l'intérêt de la population. Encore une fois, Evariste Ndayishimiye, il est secrétaire général du parti CNDD-FDD. Demain, ce sont les élections. Préparons-les sans avoir peur en nous. Comme nous nous remettons en Dieu, nous acceptons la compétition pour savoir qui Dieu aura choisi parmi nous. Celui qui gagnera, qu'il sache que nous sommes sur un même chemin vers la construction de notre Burundi de justice et de paix. Nous, comme nous avons une voix qui porte loin, nous nous engageons de vous écouter, notre cœur ouvert, pour que vous nous envoyiez où il est nécessaire. Je demande fermement à nos compatriotes mal en point à l'extérieur de ne pas avoir peur et de rentrer et réglons notre question. J'ai un désir ardent de voir nos Burundais, nous délier des mains de Satan. Les problèmes que nous nous sommes causés, que nous les résolvons ensemble, que ce soit les peines ou les joies dans lesquelles nous sommes passés, ce sont les nôtres. Que tous les Burundais en finissent, car c'est quand nous mettons ensemble que nous aurons ce sentiment de nous pardonner mutuellement, car nous nous aurons parlé sans embâge. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page sécurité de ce journal, 98 personnes ont été arrêtées le matin de ce samedi dans les enceintes de l'université du Burundi, campus Mutanga. La police indique que la plupart des personnes arrêtées sont des mémorants qui n'ont plus le droit de loger dans les homes universitaires. On écoute Pierre Nkurikiye, il est porte-parole du ministère de la Sécurité publique. La fouille a abouti à l'arrestation de 98 personnes, dont 78 mémorants, donc ayant terminé les études à l'université et n'ayant plus le droit de loger là-bas. Il y a aussi 15 étudiants des autres universités. Il y a aussi 4 personnes qui ne sont pas étudiants, qui font d'autres métiers, mais qui rentrent là-bas. Et il y a aussi un étudiant qui a été appréhendé avec 8 boules de chanvre à fumer et qui étudie à cette université même. Donc, tous les 98 personnes sont maintenant sous interrogatoire. Et après, on verra s'il y en a qui ont violé la loi et donc qui ont commis des infractions pénales, comme cet étudiant-là qui a été appréhendé avec des boules de chanvre à fumer. Et cela, alors, on va confectionner des dossiers comme tout autre criminel. Pour les autres, notamment ceux qui habitaient là-bas sans l'autorisation, cela, on pourra les relaxer tout en les interdisant de ne plus revenir dans cette résidence universitaire. Qu'est-ce qui a motivé cette fouille et perquisition? C'est une tâche policière de routine qui vise à prévenir toute infraction pouvant se commettre. Et c'était juste dans le cadre de la prévention de la criminalité. Je vous le disais dans les titres, il y a un manque criant d'eau dans différents secteurs de la commune Gihanga, en province Bouvanza. L'exemple est celui du village de Pedo Kagwema qui ne dispose d'aucun robinet public. La population de ce village s'approvisionne en plus de 2 km. Là aussi, il doit faire des longues files d'attente. Un bidon de 20 litres coûte entre 500 francs et 700 francs bou. Obenyonhuru a été sur le lieu, son reportage. Au village de Pedo Kagwema 2, en commune Gihanga, sur la colline Gihungwe, en province Bubanza, on croise avec Evelyne Nzwenimana, son enfant au dos, un bidon de 20 litres d'eau sur la tête. Elle vient de puiser l'eau à plus de 2 km. Elle dit qu'elle s'est réveillée très tôt, à 5 heures, pour aller chercher l'eau, qui est devenue un produit difficile à trouver. Elle indique que elle et toute sa famille, composés de 4 personnes, doivent s'arranger pour que cette quantité d'eau leur soit suffisante. Pour y parvenir, l'eau puisée dans les sources propres est utilisée pour la cuisson et la consommation, tandis que pour se laver et lessiver, elle indique qu'ils utilisent l'eau sale trouvée n'importe où dans les canalisations. François Carolero, le chef de ce village de paix, dit que ce problème est connu dans l'administration et eux aussi sur la table des élus et des natifs de cette commune. Ils demandent que des efforts soient conjugués pour trouver une solution rapide. Depuis Gihanga, en province Bubanza, Robin Nyonhuru, Radio Isanganiro. Merci à Oben Nyonhuru, toujours à Bubanza. Un certain Gwanghineza Emmanuel du village 2 de la commune Gihanga a été arrêté par la police en collaboration avec l'administration. C'était dans l'après-midi de ce vendredi. Il a été arrêté sur plainte de sa première épouse au moment où il venait de se faire enregistrer pour régulariser le mariage avec la deuxième femme. Reportage d'Ospes Caritas Cabagnana. C'est dans l'après-midi de ce vendredi que la première épouse de Gwanghineza Emmanuel est arrivée au village 2 de la commune Gihanga avec dans les mains tous les documents attestant qu'il s'est légalement marié avec elle avant qu'il ne la laisse seule avec des enfants en province de Gitega. Cet homme vivait actuellement au village 2 de la commune Gihanga avec une autre femme et ce couple venait de se faire enregistrer ce vendredi pour régulariser le mariage. La femme qui avait été laissée à Gitega a été avertie que son mari se préparait pour un autre mariage et qu'il affirmait qu'il était célibataire. Ces mensonges ont pris fin à l'arrivée de son épouse, mère de 2 enfants. Elle a saisi l'administration locale et à son tour, elle a appelé la police pour éviter les dégâts entre cet homme et les 2 femmes selon le chef du village. Il ajoute que l'inscription au mariage que Gwanghineza Emmanuel venait de faire a été annulée et que l'affaire est déjà portée devant la justice selon cet élu collinaire. Pescaritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Aspes Caritas Cabagnana de Bubanza. Rendons-nous aussi de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage en province de Lumonge. Appel aux cultivateurs de se garder de s'aimer pour la saison pluvieuse qui s'annonce. Il indique que l'IGBU n'a pas encore sorti des prévisions climatologiques qui devraient guider les activités agricoles. C'était au moment où il pleut depuis ce vendredi dans plusieurs coins du sud du Burundi. Jean-Pierre Misago pour plus de détails. Au deuxième jour, que la pluie tombe dans plusieurs localités du sud du Burundi, certains cultivateurs pensent déjà au début de la saison pluvieuse au Burundi et que par conséquent, ils peuvent déjà commencer à semer, surtout le maïs et les boutures de manioc. Abel Ndayishimiye, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Rumonge, les appelle plutôt à la retenue. Selon lui, l'Institut géographique du Burundi n'a pas encore sorti des prévisions météorologiques, lesquelles serviraient de référence aux agriculteurs. Il est donc probable que cette pluie cesse de tomber et celui qui aura semé enregistrera une perte en semences. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Rumonge conseille plutôt aux cultivateurs de continuer avec la préparation des champs pour le prochain semis, considérant que la pluie qui tombe actuellement vient pour faciliter le labour sur tous des terrains durs. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci également Jean-Pierre Misago. Restons à Rumonge pour parler de la protection du lac Tanganyika. Côté Rumonge, il est menacé par les riverains qui n'ont pas de latrines et ce qui déverse différentes sortes de saletés. Le gouverneur de la province fait savoir qu'il y a même ceux qui s'arrogent le droit de construire dans les 150 mètres à partir du lac qui est un périmètre réservé. Juvenal Bigirimana met en garde tous ceux qui passent outre la loi qui seront sanctionnés. Je vous propose de l'écouter. Le lac Tanganyika est réellement menacé. Nous ne pouvons pas mentir, le lac est menacé, bien que nous ne cessons pas de sensibiliser. Comment est-ce que le lac est menacé? C'est ce que j'ai dit, des saletés qui sont déversées. Nous faisons tout ce qu'on peut de notre côté. Ces gens qui font la lessive, ces gens qui n'ont pas de latrines et qui font leurs besoins menacent le lac. Également, l'eau du lac continue à diminuer. La population, au lieu de laisser le lac respirer, continue à se rapprocher davantage. Aujourd'hui, nous les poursuivons pour les 150 mètres qui doivent séparer les ménages et le lac. Ceux qui y habitent depuis longtemps, leur cas est difficile. Nous avons voulu les délocaliser, ce qui demande des moyens énormes que la province ne peut rassembler à elle seule. Ils ont demandé qu'on leur trouve un abri et qu'on leur donne une propriété, car la loi a été promulguée les trouvant sur place. Cela est difficile à faire en tant que province. Mais ce qu'ils l'ont fait après la promulgation de la loi, nous lançons un appel pour qu'il n'y ait pas celui qui va continuer à construire dans les 150 mètres de l'État, car nous n'allons pas accepter. À la source, reportage. Le reportage du jour nous amène dans la commune de Michia, dans la province de Changuzo, où les cultivateurs du sorgho blanc ainsi que l'administration trouvent satisfaction dans cette culture. Ils ont connu un échec dans les années antérieures parce qu'ils n'avaient pas de marché d'écoulement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La commune espère augmenter ses recettes quand la population revendique sa production. Francine Ndiokougaï. Le sorgho blanc occupe ces derniers temps les agriculteurs de la commune de Michiha. Nous sommes en province de Changuzo. Avant, ces cultivateurs ne donnaient pas assez d'importance à ce produit qui commence à avoir de la valeur depuis le début de cette année en cours. Ils ont désormais le marché de vente, nous ont-ils témoigné. Dans les années passées, on cultivait le sorgho, mais on n'avait pas de marché d'écoulement. On travaillait presque à perte. Mais cette année, nous avons eu la chance d'avoir l'entreprise Braudi qui est venue sauver la situation. Elle a pu aussi donner les semences aux cultivateurs. Parce que le sorgho a de la valeur dans notre commune, on remarque que les gens qui n'avaient pas senti le besoin de cultiver du sorgho, ne voyant pas où se trouve le marché, ont tendance aujourd'hui à voler notre récolte. Mais avant, tu pouvais même laisser la récolte dehors et personne ne pouvait toucher. Moi et ma famille avons une belle vie aujourd'hui parce que nous récoltons ce que nous avons semé. Le sorgho blanc passe à peu près 7 mois dans le champ. Il est utilisé dans la fabrication de la bière Nyongera. La culture du sorgho est désormais la fierté de la commune, nous a confié le conseiller social et administratif Innocent Manirambona, dit que la commune y gagnera aussi. C'est une culture, si vous voulez, nouvelle qu'on a instaurée ici en commune Mishiha. Au niveau de la commune, si la population produit beaucoup, la commune reçoit, je dirais, une taxe qui peut contribuer au développement de la commune. Je dirais que la population vraiment apprécie bien de cultiver le sorgho parce qu'ils voient que, après avoir cultivé le sorgho, après sa production, ils voient déjà où ils peuvent vendre les productions. Avec 25 kilos de semences de sorgho, le cultivateur peut avoir jusqu'à une tonne. Un des agronomes trouve que les tarifs de la Braroudi devraient être revus à la hausse pour motiver davantage les cultivateurs à qui on donne 800 francs par kilo de sorgho vendu. À la prochaine saison culturelle, nous voudrions avoir de nouvelles conventions avec la Braroudi pour qu'elle voie à la hausse le prix 10 kilos de sorgho. Au marché, ça se vend plus cher et la population se plaint. La récolte que l'on attend ici baisse parce qu'elle préfère garder des fois le sorgho à la maison. La culture du sorgho demande plus de travaux. En plus, si on se réfère à la cherté de la vie. Contactés à ce sujet, les services habilités de la Braroudi ont indiqué que la question relative au prix est discutée lors des réunions avec les responsables des coopératives dont ces cultivateurs sont membres. Merci à Francine Ndiokougaï pour ce reportage et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à Aimé Toussé Mitebouti qui était à la mise en onde. Merci à vous tous et à vous toutes qui avaient tenu compagnie. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse. Charles Makoto, je vous retrouve dans notre édition matinale. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Benjamin Mkapa à l'école de Michel Kafando. L'agence Net Presse écrit qu'une délégation de la facilitation se trouve au Burundi depuis la fin de la semaine dernière, presque à l'insu de tout le monde, surtout des médias souvent taxés de professionnels d'indiscrétion. L'administration officielle confirme cette présence discrète de la délégation d'Omkapa sans plus de détails. Il semblerait qu'elle avait la mission de rencontrer uniquement les gens au pouvoir pour demander la mise en application de la résolution onusienne portant envoi de 228 policiers au Burundi. À en croire l'agence en ligne, la délégation aurait aussi l'ambition de connaître la position de Bujumbura suite à la récente rencontre du président burundais avec son homologue tanzanien John Pombe Magufuli. Net Press précise que la délégation devrait quitter le Burundi ce samedi 19, mais ne sait pas les contacts qu'elle a pu mener. L'hebdomadaire Iwachu écrit sur la réquisition de deux voitures de l'ancien vice-président de la République, Bernard Boussokoza, par des agents du Service national de renseignement. L'affaire a eu lieu ce mercredi 2 août dernier au garage Sogerbo de Bujumbura, où le propriétaire aujourd'hui en exil les avait laissés en fuyant. C'est pour des raisons d'enquête, d'après du moins ses agents du Service national de renseignement. Le propriétaire, quant à lui, parle de perquisition pour des raisons politiques. « Je demande à ce que mes voitures me soient restituées, dit-il. Je ne sais pas ce dont on m'accuse, à part des différents politiques. » Bernard Boussokoza explique qu'il ne peut pas être victime de ses opinions politiques et de préciser que les deux voitures, une est de marque Mercedes-Benz et une autre Jeep Toyota V8, ont une valeur de 200 000 $ américains. Iwachu écrit aussi sur une polémique autour des rondes nocturnes à l'université du Burundi. Des étudiants se réclamant du parti CNDD-FDD au pouvoir sont pointés du doigt dans l'intimidation de leurs condisciples au campus Mutanga. Ils circulent avec des gourdins en groupe de 3 ou de 4. Des sources sous anonymat soutiennent que ces jeunes règnent en maître. Un grand nombre se concentre au niveau de l'entrée qui donne accès sur la 9e avenue de la zone Nyakawiga aux environs de 23 heures. Selon encore notre confrère, ils persécutent des étudiants qui rentrent tard. Mais il y a plus d'une raison pour certains de rentrer aux heures avancées, si l'on en croit toujours Iwachu. Certains sont obligés de sortir du campus pour se restaurer. D'autres sont des serveurs, des veilleurs ou des tenanciers de petites affaires dans des quartiers avoisinants. Revue de la presse. La ministre de l'Éducation interdit le monnayage des places de redoublement. Ici, le journal La Voix de l'enseignant revient sur le communiqué du 4 août dernier. Le communiqué rappelle à l'ordre certains directeurs des écoles publiques qui s'arrogent le droit d'exiger aux parents qui demandent des places de redoublement ou changement d'établissement pour leurs enfants de payer de l'argent pour acheter notamment les bancs pupitres. Le communiqué indique qu'une ordonnance ministérielle qui harmonise les frais scolaires et autres contributions est en préparation. Les parents et les enseignants apprécient cette décision et demandent que le conseil professoral et les représentants des parents soient associés dans l'attribution des places et de redoublement pour plus de transparence et d'équité. Mais d'un autre côté, le ministère durcit les conditions de remise des titres de fin d'études des humanités. En croire encore La Voix de l'enseignant, le ministère en charge de l'enseignement post-fondamental vient de fixer une condition payante pour l'octroi des originaux des diplômes et certificats de fin des humanités. Un circuit très compliqué d'après le communiqué signé par la ministre. L'élève doit d'abord payer et présenter le bordereau de versement de 3 000 francs burundais ou de 15 000 francs burundais en express et le directeur sera alors dans l'obligation de retirer le diplôme. La communauté des blogueurs Yaga se demande si le défrisage est vraiment source d'échecs scolaires. Il y a quelques jours en effet, la ministre ayant en charge de l'éducation nationale déclarait que désormais toutes les élèves des écoles, tant publiques que privées, devront avoir des cheveux naturels. Normalement, soutient le billet de bloc, à part les écoles publiques où l'État oblige les élèves à avoir des cheveux courts, les établissements privés ont chacun leur propre règlement, les uns acceptant le défrisage, d'autres pas. Il estimait que l'enfant d'un riche sera toujours l'enfant d'un riche, coiffure ou pas. Si le défrisage impactait négativement les résultats scolaires, toutes les écoles publiques se classeraient mieux par rapport aux privées et aucune fille avec des cheveux défrisés ne serait première de sa classe. N'incriminons pas les coiffures, poursuit le billet, il faudrait plutôt chercher la racine du problème. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Léonce Bitaliho et Francine Ndiokubgayo. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.